chevaux montés de la cavalerie. Non, vous prouvez que l'on peut s'amuser. Ah, ça débute à mon goût. 45 tours, le popcorn à part de ça. Le petit caribou, on va jaser de ça avec Stéphane Garneau, historien. Salut Stéphane. Bonjour Alain, ça vient? Hey oui, le petit caribou, j'ai des souvenirs moi avec mes parents d'aller voir ça, c'était au mois d'août. Et as-tu souvenir du mois de juin? Mois de juin? Non. Ouais. Parce ok, que... là tu m'as, en partant tu en m'as. En partant, hein? C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce que la première édition qui est pas considérée comme première édition, ouais. Puisque c'est pas le même organisme qui va l'avoir faite, celle de 71, a lieu en juin. Donc, on revient, on part au début de l'histoire, vous allez mieux comprendre. Ça a commencé comment, c'est ça, hein? En mars 71. OK. Alors que les Tefalos sont encore à pelleter la neige, la fameuse tempête du siècle. En mars, oui. On annonce dans le progrès de Tefalos qu'il y a des gens qui veulent revêtir la fête nationale d'une plus grosse, on veut faire ça en grand, en 71. Okay. Puis donc, on dit qu'on va faire une semaine complète d'activité. On planche sur ce projet-là. OK. Et puis là, on annonce qu'on a déjà trouvé le nom qu'on va donner à la semaine du petit caribou, on dit en l'honneur de ce électrique fameux du temps de la Prohibition. C'est ça que j'allais dire, c'est la boisson, là. Ouais, fait que déjà, okay. En mars 71, on annonce le nom de la fête, la semaine du petit caribou. Ils ont eu l'idée de génie, ils ont gardé ça. Puis ils ont déjà dit que, tu sais, ils ont déjà leur idée que ça va être la thématique, là, le western, cowboy, fait qu'elle est déjà là. OK. Puis on dit déjà que, tu sais, on a choisi les dates, ça va être du 17 au 24 juin. Puis on dit, bon, étant donné qu'on veut recréer l'atmosphère de l'époque des années 1920, évidemment qu'on va dire que le costume va être de rigueur, hein. L'accoutrement western, puis bon, il va y avoir des chevaux dans la ville. On dénonce un petit peu déjà ce qu'on veut faire là, pour l'autre jour. On dit qu'on veut faire deux parades, une journée épique, un horse show. Deux parades? Ah, ouais, oui. C'est ce qu'on prévoit, là, quoi, dans mars, c'est ce qu'on annonce. Puis il va y en avoir effectivement deux la première année. OK. On dit tout, et on veut pas. Bon, évidemment, on fait plein d'activités, et on dit que bien sûr, il va y avoir du petit caribou pour ceux qui veulent l'acheter pas cher à part de ça. Pour avoir. fait que juin arrive, et effectivement, on va faire la semaine, la première édition de la semaine du petit caribou. J'ai dit 17 au 24 juin. 71, hein? 71. OK. Hein? On va voir, là, que. Donc, on dit que la semaine, mercredi, jeudi, on va connaître le projet des feux d'artifice du. Avant la fin de la semaine. Et il va y avoir deux parades. Pourquoi deux parades? Une première qui va avoir lieu à Thetford Mines et la deuxième va avoir lieu où? À East Broughton. Ah oui? Pour célébrer... Le centième du village. Oui, c'était le centième en 71. Ouais. Et pourquoi les deux parades? OK. Donc, ça va attirer quand même beaucoup de gens la semaine du petit caribou, surtout au début de la semaine. OK. Par la suite, ça va décliner. Pourquoi ça va décliner? C'est parce qu'il y a eu Beauce Carnaval... qui est venu, et ça, c'est, je vous dis, là, dans les journaux, aux grands dames des organisateurs de la semaine du petit caribou, ils reprochaient à la ville d'avoir loué le stationnement du centre des loisirs à Beauce Carnaval, la même fin de semaine qu'ils faisaient leur activité. Fait que, veux pas, c'est comme venu en concurrence. Le monde pensait que c'était parti de la semaine du petit caribou pour Beauce Carnaval, ce qui n'était pas le cas du tout. Fait qu'ils sont venus enlever beaucoup de gens aux activités pour le reste de la semaine à la semaine du petit caribou. Ce qui a fait que finalement, au bout du compte, même si c'était populaire, on a fait un gros déficit. Ah oui? Avec la première activité de la semaine du petit caribou. Ah oui, OK. Oui, juste pour, avant de parler vas-y. Du déficit, c'est que, je veux dire, c'était une première édition, hein. C'est pas tout le monde qui était encore à jour au niveau des costumes. OK. Je vous donne un exemple, là. L'équipe de la boutique Le Baron, leurs employés étaient déguisés en sultan hindou. Fait qu'on est loin de l'atmosphère cowboy, là. On était encore à s'habituer. On rajoute rien. C'est ça, mais quand même, tu sais, je vous dis que bon. T'avais eu un effort. On a eu des. Bon, je dis qu'on a fait un déficit, mais quand même, tu sais, on dit quand même qu'il y avait quand même eu un millier de personnes pour l'exposition canine. Excusez-moi, il y a eu un millier de personnes au centre des loisirs pour le horse show. Okay. 600 pour l'exposition canine. Il y en a eu 250 pour le souper canadien. Fait qu'on a quand même attiré du monde. Il y a beaucoup d'activités quand même. Hein? Oui. Mais, comme je dis, ça fait un déficit, ce qui fait qu'en 1972, il n'y a pas eu de semaine du petit caribou à cause du déficit qui a eu en lieu en 1971. 1972, c'est aussi une année importante. Pourquoi? Parce que c'est l'année de création de l'Association des Ranchs de l'Amiante qui commence ses activités le 5 juillet 1972. Okay. Et pourquoi c'est important cette date-là? C'est parce que Lara, c'est elle qui va devenir par la suite responsable de la semaine du petit caribou. Okay. C'est elle qui va relancer la semaine du petit caribou. À une autre date, c'est ça. En 1973. OK. La semaine du petit caribou va revivre du 27 août au 3 septembre. Ça, c'est les dates que je me souviens. C'est ça. Et ça, c'est Lara qui reprend ça à ce moment-là en main. Au début, la première résidence, c'était géré par les fêtes de la fête nationale. OK, ouais. Là, en 73, ça va être Lara qui va gérer, et pour les éditions ultérieures, la semaine du Picaribou. Okay. Et c'est pour ça que quand on comptabilise les semaines du Picaribou, on dit tout le temps que l'édition numéro 1, c'est celle de 1973. Et même quand on fait l'historique de la fête, je vous le dis, je vais pouvoir vérifier. On parle jamais de l'édition de 1971. Moi, je trouve que c'est un peu... On a comme oublié la prémisse. on peut bien dire que c'était pas eux qui l'organisaient, mais il me semble que ça aurait été bon temps de parler pareil. D'autant plus que le nom de la fête, la semaine du petit caribou, a été donné en 71. C'est ça, j'allais dire. Puis le style western s'était déterminé aussi par 71. C'est venu au monde en 71. Fait que tant qu'à moi, l'édition numéro 1 aurait été celle de 71, mais c'est pour ça que, officiellement, quand on va regarder dans les parler, on va vous dire que c'est celle de 73 qui est la vraie première édition. OK. OK, on comprend. Donc, la semaine 13, on le dit, la semaine aura lieu du 27 août au 3 septembre pour permettre aux gens de encore là, on a le style western, comme je dis, on revient. Et puis, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on dit que le lundi 27 août, ça va être l'entrée des chevaux aux ateliers municipaux. Le lendemain, le 28, va avoir lieu la parade d'ouverture dans la rue de la ville à laquelle devraient prendre part quelques 250 chevaux, de même qu'une danse sur le terrain des écuries. Il va y avoir un rallye western le mercredi 29 août. Le jeudi le 30, ça, il va y avoir à l'aréna un concours de meilleure performance inter-ranch. Et le vendredi 31 août, ça c'est nouveau par rapport à la première raison qu'on n'avait pas ça, ça va être quoi? Ça va être le couronnement de la reine Western au Club des Élans. On n'avait pas ça la première édition. On a amené ça en 73. C'est ça. Et là, ça va être des candidates qui vont être en liste. Et ça va être selon les ranchs. Chaque ranch peut soumettre une candidate pour devenir reine du festival. Donc, on avait en concurrence pour la première année, on avait Mme Chantal Lupé, qui va se présenter sous la bannière du ranch Le Sabot d'Or. Marjolaine Doyon, qui est à la barre l'emblème du ranch La Colline. Carole Sanson, qui défend l'élection du Christina Ranch. Nicole Giguère, qui porte l'étiquette du ranch La Randonnée. Claudette Lehoux, qui s'affiche sous les couleurs du ranch Mexicona. Et le ranch L'Étrier d'Argent est représenté par Claudette Walsh. Et ça va être Nicole Giguère, qui va être la première reine western de la semaine du petit caribou. Il y avait plusieurs ranchs, hein? Il y avait plusieurs ranchs, t'écoutes. Il y en avait d'autres, mais la première année, je pense que c'était 5 ou 6 ranchs à former Lara à la base. Le samedi, il va y avoir des spectacles qui seront présentés, une parade de chevaux dans l'après-midi, un concours épique en soirée à l'aréna. Et comme je dis, les activités vont se dérouler jusqu'au dimanche 2 septembre, où là, il va y avoir la fameuse messe western à l'avant-midi, des concours épiques. Et un concours des gigueurs en soirée, hein? Faut pas oublier les gigueux. Ça va attirer quand même, on dit que l'édition de 73 va attirer 50 000 personnes. Là, ils ont sûrement fait leurs frais, là. Ouais. Et là, tu comprendrais qu'avec le succès de l'événement, on décide par la suite d'en faire un classique annuel. Ben oui. Hein? Faut pas arrêter ça, là. On va ramener annuellement, à partir de 73, la semaine du petit caribou, la fameuse chanson que tu nous faisais entendre tantôt, là. Oui. Elle date de 1974. Donc, dès la deuxième année, on se dote d'une chanson thème. Avec et pour ceux qui ont assisté, il y a une parade du petit caribou. Oui, on l'entendait. On l'entendait souvent. Hein? Je me souviens plus des années 80. Ben, j'ai reconnu, moi, en commençant, du oui, ça m'a. On allait à la parade, puis la chanson nous restait dans la tête pendant plusieurs semaines après la parade. Donc, les années 70, ça va très bien aller. Hein? Pour on regarde la suite, là, ça va bien aller. On va tirer des bonnes foules. À partir des années 80, ça va commencer à ralentir un peu. OK. Tellement qu'en 1986, on décide de prendre une pause. OK. Il n'y a 86. Pas d'édition du petit caribou en 1986. OK. On va revenir en 1987. Puis là, on va prendre une nouvelle présentation. Hein? On dit que la 14e édition de 87, elle va se dérouler sur une période plus restreinte, soit 3 jours. On laisse tomber la semaine au complet, puis on fait ça 3 jours, puis on revient en juin. Du 5 au 7 juin. OK. Je me souvenais pas. Ouais, là, on va conserver les activités les plus populaires comme le couronnement de la reine, le tir de chevaux, la parade dans les rues de la ville de Thetford Mines. Et là, ça va pas durer longtemps parce qu'en 88, on fait à nouveau une deuxième émission sur 3 jours. Et là, c'est la fin, je pourrais dire la première mouture de la semaine du petit caribou. La semaine du caribou disparaît du paysage de Thetfordois jusqu'en 1997. Hey, là, on approche là. Et on là, 97, là, c'est le début de la deuxième mouture, si je peux dire, de la semaine du caribou. Okay. Et à ce moment-là, elle se déroule du 9 au 13 juillet. Hein, on est rendu en juillet. Là. On était en juin, t'allais en août, là, on est rendu en juillet. Du 9 au 13 juillet 97, afin de souligner le 25e anniversaire d'existence de Lara. Okay, on a décidé de ramener la semaine du petit caribou. Et on va le jumeler avec à l'époque, l'Expo agricole. Oui, OK. Donc, on jumelle les deux ensemble. Oui. Et là, bon, on va commencer avec les chevaux sur le site parade dans les rues de la ville. Saloon avec orchestre country. Il va y avoir des Olympiades de cowboy. Présentation équestre. Gymkhana, ils vont être jumelés, comme je disais, à l'Expo agricole. OK. Et ça va durer quelques années. Et au début des années 2000, malheureusement, là, avec déclin de la popularité aidant, la semaine du Petit Caribou, ce qui est plus une semaine à ce moment-là, ouais. Où on l'appelle souvent, je pense, c'est le Petit Caribou. Le Petit Caribou. Tout simplement. Va disparaître, cette fois-ci pour de bon. Et donc, on va perdre cette belle fête, tout comme elle a été les fêtes de la viande pendant de nombreuses années. Ben oui, qui oui. Meublait nos étés. Ouais. Et maintenant, c'est rendu festival de la relève. Ben oui. Mmh. Stéphane, j'invite les gens à aller voir sur notre page Facebook oui. Une photo que tu m'as envoyée du centre d'archives, les chars allégoriques par la parade. Il y avait du travail, là. Bon, oui, la photo qu'on voit. Oui, c'est une immense guitare. Là. Il y a des gens dedans. Il y a du travail là-dedans. C'est incroyable. Là. Oui, puis je me souviens, moi, j'ai vu des photos, entre autres, ça a tiré des fois des personnalités. J'ai vu une photo au centre d'archives de Guy Lafleur qui était ah, habillé oui? en cowboy avec son chapeau qui était à tête fleur. Ah oui. Dans le cadre de la semaine du Petit Caribou. Hey, c'est des beaux souvenirs. Merci beaucoup de ta participation cet hiver et ce printemps, Stéphane. On prend une pause pour l'été. Oui. Puis on se donne rendez-vous à l'automne. C'est en plein ça. Excellent. Merci, Stéphane. Bye, Alain.